Le livre des Jubilés de Moïse. Texte source intégrale anglaise, ancienne langue d'Abyssinie, et fragment en araméen, retrouvé à Qumran. De l'anglais The Book of Jubilee. Publié en 2010, par Philblues Edition, ISBN 978-291-61321. Table des matières. Nombre total de chapitres égale 50. Nombre total de pages égale 93. Chapitre 1. Et cela arriva le 16e jour du 3e mois, dans la première année d'Exode, des enfants d'Israël hors d'Égypte, Dieu parla à Moïse disant: Monte vers moi sur le mont et je te donnerai la loi et le commandement que j'ai écrit sur deux tables de pierre afin que tu leur enseignes. Et Moïse monta sur le mont de Dieu et la gloire du Seigneur se plaça sur le mont Sinaï et un nuage le recouvra 6 jours. Du haut du mont le 7e jour il appela Moïse du milieu du nuage et l'apparence de la gloire du Seigneur était comme une flamme de feu. Et Moïse fut sur le mont 40 jours et 40 nuits et Dieu lui apprit la partition de toutes les dates de la loi et du témoignage, l'histoire la plus avancée et la plus reculée, et il dit: Incline ton cœur à chaque mot que je te dirai sur ce mont, et écris-les dans un livre en ce jour sur le mont Sinaï, afin que leur descendance puissent voir comment je ne les ai pas abandonnés malgré tout le mal qu'ils ont fait en rompant l'alliance que j'ai établie entre moi et vous, pour leur descendance. Quand toutes ces choses tomberont sur eux, c'est ainsi qu'ils reconnaîtront que je suis plus juste que dans tous leurs jugements et dans toutes leurs actions, et ils reconnaîtront que j'ai été véritable avec eux. Écris pour toi toutes ces paroles que je te déclare ce jour, car je connais leur rébellion et leur nucrète bien avant que je les amène dans la terre que j'ai juré à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: Je donnerai à votre semence une terre débordante de lait et de miel, et ils mangeront et seront rassasiés, et ils se tourneront vers des dieux étranges, des dieux qui ne peuvent les affranchir du chaos de leur affliction. Et ce témoignage sera entendu comme une déposition contre eux, car ils vont oublier tous mes ordres, tout ce que je leur ai commandé et ils marcheront d'après les païens et d'après leur impureté et d'après leur immoralité et serviront leur Dieu, et cela constituera sur eux une faute et une angoisse et une souffrance et un piège, et beaucoup mourront et seront pris en captivité et ils tomberont aux mains de l'ennemi, parce qu'ils auront abandonné mes ordonnances, mes commandements et les fêtes de mon alliance, mes repos, sabbat, et ma maison sacrée, temple de Jérusalem, que je m'étais dédié en leur milieu, et mon tabernacle et mon sanctuaire que je m'étais dédié au centre du pays afin que j'y place mon nom et qu'il y habite. Et ils se feront de hautes maisons, des parcs et des statues, et vénéreront chacun la sienne et ainsi s'égarer, et ils sacrifieront leurs enfants aux démons et à toute procession de leur cœur erroné. Et je leur enverrai des témoins, pour que je puisse témoigner contre eux, mais ils n'écouteront pas et tueront aussi le témoin et persécuteront ceux qui recherchent la loi. Et ils aboliront et changeront toutes choses pour faire le mal devant mes yeux. Mais je leur cacherai ma face, je les retirerai du milieu du pays et les disséminerai parmi les païens et je les livrerai dans la main des païens en captivité et en proie à dévorer. Et ils oublieront toute ma loi, tous mes commandements et tous mes jugements relativement aux nouvelles lunes, repos, fêtes, jubilés et ordonnances, et ils s'égareront. Et après cela ils se tourneront vers moi d'entre les païens de tout leur cœur, âme et force, et je les rassemblerai du milieu de tous les païens et ils me rechercheront jusqu'à ce que je sois trouvé d'eux, quand ils me chercheront de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors je leur révélerai une paix débordante de justice, et de tout mon cœur et de toute mon âme j'enlèverai d'eux le plan de l'injustice, et ils seront en bénédiction et non en malédiction. Ils seront la tête et non la queue, et je construirai mon sanctuaire en leur sein, et j'habiterai avec eux et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, en vérité et justice, et je ne les délaisserai pas, ni ne les faillirai, car je suis le Seigneur leur Dieu. Et Moïse tomba sur sa face et pria et dit, ô Seigneur mon Dieu, ne laisse pas ton peuple et ton héritage divaguer ainsi dans l'erreur de leur cœur, et ne les cède pas aux mains de leurs ennemis païens, pour qu'ils les assujettissent et les fassent pécher contre toi. Que ta pitié, ô Seigneur, soit édifiée sur ton peuple, et crée en eux un esprit droit, et ne laisse pas l'esprit de Béliar les assujettir et les blâmer devant toi et leur bloquer les voies de la justice, pour qu'ils succombent devant ta face. Mais ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as délivré des mains des Égyptiens par un puissant pouvoir. Crée en eux un cœur pur et un esprit sacré, et ne les laisse pas bloquer dans leurs péchés dès maintenant et jusqu'à l'éternité. Et le Seigneur dit à Moïse, je connais la contrariété de leurs pensées, et leur nucrède, et ils ne seront pas obéissants jusqu'à ce qu'ils confessent leur propre péché et le péché de leur père, et après cela ils se tourneront vers moi, entièrement intègres, de tout leur cœur et de toute leur âme, et je circoncirai le prépuce de leur cœur et le prépuce du cœur de leur semence, et je créerai en eux un esprit sacré, et je les laverai pour qu'ils ne se détournent pas de moi de ce jour jusqu'à l'éternité. Et leurs âmes s'attacheront à moi et à tous mes commandements, et ils accompliront mes commandements, et je serai leur père, et ils seront mes enfants, et ils seront appelés enfants du Dieu vivant, et chaque ange et chaque esprit sera, oui. Ils sauront que ce sont mes enfants, et que je suis leur père dans l'intégrité et la droiture, et que je les aime. Et tu écriras entièrement pour toi la première et dernière de ces paroles, que je te déclare sur ce mont, qui se réaliseront dans toutes les partitions des dates de la loi et du témoignage dans les semaines et les jubilés, pour l'éternité, jusqu'à ce que je descende et habite avec eux pour l'éternité. Et il dit à l'ange de la présence, écris pour Moïse depuis le début de la Genèse, jusqu'à ce que mon sanctuaire aura été construit en toute éternité parmi eux, et le Seigneur apparaîtra aux yeux de tous et tous sauront que je suis le Dieu d'Israël, et le Père de tous les enfants de Jacob, et roi du mont Sion en toute éternité. Et Sion et Jérusalem seront sacrés. Et l'ange de la présence, qui allait devant le camp d'Israël, prit des tables de la loi et témoignage, les partitions des années à compter du temps de la Genèse, les semaines des jubilés, selon les années individuelles et selon le nombre des jubilés ensemble, jusqu'au jour de la nouvelle Genèse, quand les cieux et la terre et leur Genèse seront ensemble reconduits suivant les pouvoirs du ciel et suivant le fondement de la terre entière, jusqu'à ce que le sanctuaire du Seigneur se réalise à Jérusalem, au mont Sion, et que tous les luminaires se renouvellent de guérison, de paix et bénédiction, pour toute l'élite d'Israël, et que cela soit ainsi dès ce jour, et à toujours sur la terre. Chapitre 2. Et l'ange de la présence parla à Moïse suivant la parole du Seigneur en disant, écris l'histoire complète de la Genèse, comment en 6 jours le Seigneur Dieu complétait tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé et garda le repos au 7e jour, qu'il consacra sur tous les âges et le choisit comme un signe sur tous ses travaux. Car au 1er jour il créa les cieux qui sont en haut et la terre et les eaux et tous les esprits qui servent face à lui. Les anges de la présence et les anges de sanctification et les anges de l'esprit des vents et l'ange de l'esprit des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé, et les anges des voix du tonnerre et de l'éclair, et les anges des esprits du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les esprits de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit et la lumière, au beau jour qu'il avait préparé dans la connaissance de son cœur. Et nous vîmes alors ses travaux et le louâmes et glorifiâmes devant lui au compte de tous ses travaux, car ces grands travaux avait-il créés au premier jour. Au deuxième jour il créa le firmament au milieu des eaux, et les eaux furent divisées ce jour, une moitié à là-dessus et l'autre moitié à là-dessous le firmament qui était au milieu, à la surface de la terre entière. Et c'est le seul travail créé par Dieu au deuxième jour. Et au troisième jour il donna ordre aux eaux de converger à la surface de toute la terre vers une seule place, et que la terre sèche apparaisse. Et les eaux firent comme il leur ordonna et convergèrent à la surface de la terre vers une seule place, à l'extérieur de ce firmament, et la terre sèche apparut. Et en ce jour il créa pour elle toutes les eaux selon leur lieu distinct d'assemblement et toutes les rivières et les assemblements des eaux dans les montagnes, et sur toute la terre et tous les lacs et toute la rosée de la terre, la semence qui est semée et toutes les choses germant et les arbres portant fruits et les arbres de forêt et le jardin d'Éden en Éden au complet. Dieu créa ces quatre grands travaux au troisième jour. Et au quatrième jour il créa le soleil et la lune et les étoiles, et les plaça dans le firmament du ciel, pour donner lumière sur la terre entière, et dominer sur le jour et la nuit, et séparer la lumière de la noirceur. Et Dieu appointa le soleil, pour être un grand signe sur les jours sur la terre, et pour les repos et pour les mois, et pour les fêtes et pour les années, et pour les repos des années, et pour les jubilés, et pour toutes les saisons des années. Et cela divise la lumière de la noirceur pour la prospérité, afin que toutes les choses qui poussent sur terre prospèrent et grandissent. Il créa ces trois classes au quatrième jour. Et au cinquième jour il créa les grands monstres aquatiques dans les profondeurs des eaux, car ce furent les premières choses de chair qui furent créées de ses mains, le poisson et tout ce qui se meut dans les eaux, et tout ce qui vole, les oiseaux et toutes leurs espèces. Et le soleil se leva au-dessus d'eux pour prospérer au-dessus de toutes choses qui étaient sur la terre qui poussent hors du sol, tous les arbres portant fruits et toute chair. Il créa ces trois classes au cinquième jour. Et au sixième jour il créa tous les animaux de la terre et tout bétail et tout ce qui bouge sur la terre. Et après tout cela il créa l'homme, un homme et une femme il les créa et il lui donna autorité sur tout ce qui est sur la terre et dans les eaux et sur tout ce qui vole et sur toutes les bêtes et sur le bétail et sur tout ce qui bouge sur le sol et sur toute la terre entière. Et il lui donna autorité sur tout cela. Et il créa ces quatre classes au sixième jour. Et il y avait en tout 22 classes ensemble. Et il finit tout son travail le sixième jour, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et dans les eaux et dans les abysses et dans la lumière et dans la noirceur et dans toutes choses. Et il nous donna le jour du repos comme grand signe, pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder repos le septième jour hors de tout travail. Et tous les anges de la présence, et tous les anges de sanctification, ces deux grandes classes, il nous a engagés de garder le repos avec lui au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples, et ceux-là garderont le jour du repos, et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple, comme j'ai sanctifié le jour du repos et le sanctifie pour moi. Pareillement aussi je les bénirai et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et j'ai choisi la semence de Jacob, parmi tout ce que j'ai vu et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né et l'ai sanctifié pour moi à jamais et à toujours et je leur apprendrai le jour du repos, pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le septième jour, manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples, et pour qu'il garde le repos ensemble avec nous. Et il induit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Il y a 22 têtes d'humains de Adam jusqu'à Jacob, et 22 classes de travaux furent faits jusqu'au septième jour. Cela est béni et sacré, et le passé est béni et sacré aussi, et celui-ci sert avec cet autre à la sanctification et bénédiction. Et à cela Jacob et sa semence, il fut accordé qu'ils seront toujours les êtres bénis et sacrés du premier témoignage et loi, comme il a sanctifié et béni le jour du repos au septième jour. Il créa le ciel et la terre et toutes choses. Dieu créa en six jours et il fit le septième jour sacré sur tous ses travaux. À ce sujet il ordonna alors que quiconque y ferait quelconque travail en mourra et celui qui le nuirait en mourra certainement. Alors tu commanderas aux enfants d'Israël d'observer ce jour, pour qu'ils le gardent sacré et n'en fassent aucun travail, et de ne pas le nuire comme il est plus sacré que tous les autres jours, et quiconque le profane en mourra certainement, et quiconque fait un travail quelconque en mourra certainement éternellement, cela pour que les enfants d'Israël puissent garder ce jour à travers leurs descendance et n'être pas déracinés du pays, car c'est un jour sacré et jour béni. Et celui qui le garde et garde le repos hors de son travail sera sacré et béni à toujours pour nous aussi. Déclarez dit aux enfants d'Israël la loi de ce jour, qu'ils devront conjointement garder le repos et qu'ils ne devront pas l'enfreindre dans l'erreur de leur cœur. Qu'il est interdit de faire aucun travail inapproprié qui soit, d'en faire selon leur plaisir personnel, et qu'ils ne préparent aucune chose à être mangée ou bue, et de puiser de l'eau ou d'apporter ou de sortir tout pour en passant par le porte, qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leurs habitations le sixième jour, et ils n'apporteront rien, ni n'en sortiront de maison en ce jour, car ce jour est plus sacré et béni qu'aucun jour de jubilé des jubilés. C'est pourquoi nous gardons le repos dans les cieux, avant qu'il fût connu de toute chair de garder repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit mais ne consacra pas tous les peuples et nations à garder repos mais seul Israël. À eux seuls il permit de manger et boire et de garder repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses bénit ce jour, qu'il avait créé en bénédiction et en sanctification et gloire par-dessus tous les jours. Cette loi et témoignage fut donnée aux enfants d'Israël, comme une loi toujours pour leur descendance. Chapitre 3. Et au cours des six jours de la deuxième semaine, suivant la parole de Dieu, nous apportâmes vers Adam toutes les bêtes, et tout le bétail et tous les oiseaux, et tous ceux qui bougent sur la terre, et tous ceux qui bougent dans l'eau, selon leurs espèces et selon leurs classes. Les bêtes le premier jour, le bétail le deuxième jour, les oiseaux le troisième jour, et tous ceux qui bougent sur la terre le quatrième jour, et tous ceux qui bougent dans l'eau le cinquième jour. Et Adam les nomma tous de leurs noms respectifs, et comme il les nomma ainsi fut leur nom. Et le cinquième jour Adam vit tout cela, mâle et femelle de chaque espèce, qui était sur la terre, mais il était seul et ne trouva pas de partenaire pour lui. Et le Seigneur nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons une épouse pour lui. » Et le Seigneur notre Dieu fit tomber un profond sommeil, sur lui il dormit, et il prit une côte parmi ses côtes pour la femme et cette côte était à l'origine de la femme parmi ses côtes et il reconstruit la chair à sa place et fabriqua la femme. Et il sortit Adam de son sommeil, qui s'éveilla et se leva le sixième jour, et il la lui amena et il la connut et lui dit. C'est maintenant os de mes os et chair de ma chair, elle sera appelée ma femme, car elle est prise de son mari. Ainsi homme et femme seront un et ainsi un homme, quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme et ils seront une chair. Adam fut créé la première semaine et sa côte, sa femme, il la lui montra à la deuxième semaine. Et pour cette raison l'ordre fut donné de maintenir leur impureté, liée à l'écoulement de sang, 7 jours durant pour un mâle et 2 fois 7 jours pour une femelle. Et après qu'Adam eut complété 40 jours sur la terre d'où il fut créé, nous l'emmenâmes pour labourer le jardin d'Éden et le défendre. Et ils emmenèrent sa femme au 80e jour, et après ça elle entra dans le jardin d'Éden. Et pour cette raison le commandement est écrit sur les tablettes du ciel concernant celle qui donne naissance. Si elle porte un mâle, elle restera dans son impureté 7 jours relativement à la première semaine des jours, et elle gardera 33 jours à la purification de son sang, et elle ne touchera pas aucune chose sainte, ni n'entrera dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'elle ait complété ses jours pour le cas d'un enfant mâle. Mais dans le cas d'un enfant femelle, elle restera dans son impureté 2 semaines de jours relativement aux 2 premières semaines et 66 jours à la purification de son sang, qui feront en tout 80 jours. Car il est ordonné au statut des jours concernant celle qui enfante un enfant mâle ou femelle, qu'elle ne doit pas toucher de choses saintes, ni entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que ses jours soient accomplis. C'est la loi et témoignage qui a été écrite pour Israël de sorte qu'ils observent ces jours en totalité. Et quand pour elle ces 80 jours furent accomplis, nous l'emmenâmes dans le jardin d'Éden, car il est plus sacré encore que la terre entière et chaque arbre qui y est planté est sacré. Dans la première semaine du premier jubilé, un jubilé égale 49 ans. Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans, et nous lui donnâmes le travail et l'instruisîmes à tout faire en ce qui concerne le labourage. Et il labourait et protégeait le jardin des oiseaux et des bêtes et bétail, et rassemblait ses fruits pour nourriture, et mettait de côté le reste pour lui et sa femme, mettait de côté ce qui pouvait se garder. Et à la fin des 7 ans qu'il accomplit là, 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vint et approcha la femme, et le serpent dit à la femme. Dieu t'a-t-il commandé en disant, « Tu ne mangeras pas de tout arbre du jardin ?» Et elle lui dit, « De tous les fruits du jardin, Dieu nous a dit, « Mangez !» Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, « N'en mange pas, n'y touche pas de peur de mourir. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas forcément, mais Dieu fait savoir que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux et vous connaîtrez le bien du mal. » Et la femme vit l'arbre plaisant et agréable à l'œil, et son fruit bon à manger. Alors elle en prit et mangea. Dès lors elle couvrit sa honte avec des feuilles de figue d'abord, puis elle en donna à Adam et il mangea et ses yeux furent ouverts et il vit qu'il était nu et prit des feuilles de figue et les cousit ensemble et fit une bande pour lui et couvrit sa honte. Et Dieu maudit le serpent et était en colère contre lui à toujours. Et il était en colère contre la femme, car elle écouta la voix du serpent et mangea. Et il lui dit, « Je multiplierai grandement ton chagrin et tes douleurs, en chagrin tu mettras des enfants et ta récompense sera auprès de ton mari et il dominera sur toi. » Et Adam il dit aussi, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas en manger, maudit soit le sol à ta cause. » Il t'apportera des épines et des chardons et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es terre et retourneras à la terre. Puis il leur fit des manteaux de peau, les en habilla et les renvoya du jardin d'Éden. Et le jour qu'Adam couvrit sa honte, le matin au lever du soleil de ce jour où il quitta le jardin, il fit une offrande d'une douce odeur d'oliban, de galbanum et nataf, et d'épices. Et dès ce jour la bouche de toutes les bêtes et du bétail et des oiseaux et de tout ce qui marche et de tout ce qui bouge fut fermée, afin qu'ils ne puissent plus se parler, car ils se parlaient tous l'un l'autre d'une seule lèvre et d'une seule langue. Et il renvoya du jardin d'Éden toute chair qui était dans le jardin d'Éden, et toute chair fut dispersée selon leurs espèces, et selon leur classe à des endroits qui furent créés pour eux. Et de toutes les bêtes et bétail, à Adam seul il donna le moyen de couvrir sa honte. À ce sujet il est prescrit dans les tablettes célestes touchant tous ceux qui connaissent le jugement de la loi, qu'ils doivent couvrir leur honte et ne doivent pas se découvrir comme les païens se découvrent. Et à la nouvelle lune du quatrième mois, Adam et sa femme quittèrent le jardin d'Éden et ils habitèrent dans la terre d'Elda, dans le pays de leur création. Et Adam appela sa femme du nom de Ève, et ils n'eurent pas de fils, jusqu'au premier jubilé, soit 50 ans, et après cela il la connut. Maintenant il laboure la terre, comme il en a été instruit dans le jardin d'Éden. Chapitre 4. Et dans la troisième semaine du deuxième jubilé elle donna naissance à Caïn, et dans la quatrième elle donna naissance à Abel, et dans la cinquième elle donna naissance à sa fille Awan. Et dans la première année du troisième jubilé Caïn tua Abel, car Dieu accepta le sacrifice de Abel et n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et il tua son frère dans le champ, et son sang cria du sol au ciel se plaignant, parce qu'il l'avait tué. Et parce qu'Abel avait été tué, le Seigneur réprouva Caïn et il le rendit fugitif sur la terre à cause du sang de son frère et il le maudit sur la terre. Et à ce sujet il est écrit dans les tablettes célestes. Maudit est celui qui frappe son prochain traîtreusement. Et que tous ceux qui ont vu et entendu disent. Qu'il en soit ainsi. Et l'homme qui a vu et ne le déclare pas, qu'il soit maudit comme l'autre. Et pour cette raison quand nous venons devant le Seigneur notre Dieu, nous annonçons entièrement tout péché qui est commis au ciel et sur terre et dans la lumière et dans la noirceur et partout. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'années, explication, 1 semaine d'année, égale, 7 ans. Pour Abel et dans la quatrième année de la cinquième semaine ils redevinrent joyeux et Adam connut sa femme de nouveau et elle lui porta un fils et il appela son nom Seth, car il dit « Dieu a élevé pour nous une deuxième semence à la place d'Abel que Caïn a tué. » Et dans la sixième semaine elle porta sa sœur Azura. Et Caïn pria Wan sa sœur pour être sa femme, et elle lui porta Enoch à la fin du quatrième jubilé. Et dans la première année de la première semaine du cinquième jubilé des maisons furent construites sur la terre, et Caïn construit une ville, et appela son nom du nom de son fils Enoch. Et Adam connut sa femme Ève, et elle porta encore 9 fils. Et dans la cinquième semaine du cinquième jubilé Seth prit Azura sa sœur pour être sa femme, et dans la quatrième année de la sixième semaine elle lui porta Enos. Il commença à appeler le nom du Seigneur sur terre. Et dans la troisième semaine du septième jubilé Enos prit Noam sa sœur pour être sa femme, et dans la troisième année de la cinquième semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Kénan. Et à la fin du huitième jubilé Kénan, prit Mahalalel sa sœur pour être sa femme. Et dans la première semaine du neuvième jubilé, la troisième année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Mahalalel. Et dans la deuxième semaine du dixième jubilé Mahalalel prit Dina pour femme, la fille de Barakiel, et fille du frère de son père, et dans la sixième année de la troisième semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Jared, car dans ces jours les anges du Seigneur, ceux qui sont appelés les vigiles, descendirent sur la terre afin qu'ils instruisent les enfants des hommes et qu'ils fassent jugement et justice sur la terre. Et dans la quatrième semaine du onzième jubilé, Jared prit pour lui une femme et son nom était Baraka, fille de Razujal, une fille du frère de son père, et dans la quatrième année de la cinquième semaine du jubilé, elle lui porta un fils, et il appela son nom Enoch. Et il était le premier homme parmi les hommes, étant né sur terre, qui a pris l'écriture et la connaissance et la sagesse, et qui écrit dans un livre les signes du ciel, selon l'ordre de leur mois, pour que les hommes connaissent les saisons des années suivant l'ordre de partition de leur mois. Et il fut le premier à écrire un témoignage, et qui témoigna au fils des hommes, parmi les générations de la terre, et fit le décompte des semaines des jubilés, et il leur fit savoir les jours des années, et plaça en ordre les mois, et décompta les repos des années comme nous lui avons fait savoir. Et ce qu'il a vu dans une vision de son sommeil, ce qui était et qui sera, ce qui arrivera aux enfants des hommes à travers leur descendance jusqu'au jour du jugement. Il vit et comprit toutes choses, et écrit son témoignage, et plaça le témoignage sur terre, pour tous les enfants des hommes pour leur génération. Et ces six jubilés d'années, il était plus souvent avec les anges de Dieu, qui lui montrèrent toutes choses sur terre, dans les cieux et la gouverne du soleil, et il écrit tout. Et il témoigna des vigiles, qui avaient péché avec les filles des hommes, car ces derniers avaient commencé à s'unir et se souiller avec les filles des hommes, et Enoch témoigna contre eux tous et fut pris d'entre les enfants des hommes, et nous le conduisîmes dans le jardin d'Éden, avec dignité et honneur et observant de là, il écrit la condamnation et le jugement du monde et toute la cruauté des enfants des hommes. Raison pourquoi Dieu amena les eaux du déluge sur toute la terre d'Éden. Et il fut placé là en signe, pour être témoin contre tous les enfants des hommes, pour que se fasse le compte de toutes les actions des générations jusqu'au jour de la condamnation. Et il brûla l'encens du sanctuaire, des épices douces acceptables devant le Seigneur sur la montagne. Car le Seigneur avait quatre endroits sur la terre, le jardin d'Éden et le mont de l'Est et le mont Sinaï, cette montagne sur laquelle tu es en ce jour, et le mont Sion, qui sera consacré dans la nouvelle création pour une sanctification sur la terre par laquelle la terre sera absoute de toute sa faute et de son impureté à travers les générations du monde. Et dans la septième semaine du douzième jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Adona, fille de Daniel, fille du frère de son père, et dans la sixième année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Méthusela. Et dans le quatorzième jubilé, Méthusela prit Enna pour femme, la fille d'Azrial, fille du frère de son père, et dans la troisième semaine, la première année de cette semaine, elle porta un fils et appela son nom Lamec. Et dans la troisième semaine du quinzième jubilé, Lamec prit pour lui une femme et son nom était Bethenos, fille de Baraki, fille du frère de son père, et dans cette semaine, elle porta un fils et il appela son nom Noah en disant: cet être me consolera de mon malheur et de tout mon travail et pour le sol que le Seigneur a maudit. Et dans la sixième année de la septième semaine, en fin du dix-neuvième jubilé, Adam mourut alors, et tous ses fils l'enterrèrent dans la terre de sa création, et il fut le premier à être enterré sur la terre. Et il lui manquait 70 ans sur 1000 années, car 1000 années est comme un jour dans le témoignage des cieux, et comme il est écrit concernant l'arbre de la connaissance: le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pour cette raison, il ne compléta pas les années de ce jour, car il mourut avant. À la fin de ce jubilé, après lui, Caïn fut tué dans la même année, quand sa maison tomba sur lui et il mourut au milieu de sa maison, tué par ses pierres parce qu'il avait tué Abel avec une pierre, par une pierre il fut tué en juste jugement. Pour cette raison qu'il fut ordonné sur les tablettes célestes, par l'instrument avec lequel un homme tue son prochain, par le même il sera tué, de la manière qu'il l'a blessé, de la même manière ils feront pour lui. Et dans la première année de la cinquième semaine du 25e jubilé, Noé prit pour lui une femme et son nom était Emzara, fille de Rachel, fille du frère de son père, et dans la troisième année elle lui porta Shem, dans la cinquième année elle lui porta Ham, et dans la première année de la sixième semaine elle lui porta Japhet. Chapitre 5. Et cela arriva lorsque les enfants des hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur étaient nées, à une certaine année de ce jubilé les anges de Dieu les virent, car elles étaient belles à regarder, et se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, et elles le portèrent des fils qui étaient géants. Et les sans-lois augmentèrent sur la terre et toute chair corrompit sa voix, hommes et bétail et bêtes et oiseaux pareillement, eux tous corrompirent leur voix et leurs règles et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les sans-lois augmentèrent sur la terre et toute imagination des pensées des hommes était sans cesse au mal. Et Dieu regarda sur la terre et voici, c'était corrompu et toute chair transgressait ses règles et tous ceux qui étaient sur la terre avaient fait toutes les sortes de mal devant ses yeux et il dit qu'il détruirait de la surface de la terre les hommes et toute chair qu'il avait créée. Mais vraiment, Noé trouva grâce devant les yeux du Seigneur, mais contre les anges qu'il avait envoyés sur la terre il était extrêmement en colère et il donna ordre de leur soustraire toute autorité et nous instruit de les attacher dans les abîmes de la terre et voici, ils sont attachés en plein centre et sont gardés séparés. Et un commandement sortit devant sa face contre leur fils, pour qu'ils soient frappés par une épée et soient retirés de dessous le ciel. Et il envoya son épée au milieu d'eux afin que chacun tue son semblable. Et ils commencèrent à tous se tuer jusqu'à ce qu'ils tombent par l'épée et soient tous détruits de la terre. Après qu'ils furent témoins de leur destruction, leur père fera tâcher pour toujours dans les abîmes de la terre jusqu'au jour de la grande condamnation, lorsque le jugement sera exécuté sur tous ceux qui ont corrompu leur voie et leurs travaux devant le Seigneur. Et il détruit toutes leurs traces et il ne resta pas un seul d'entre eux qu'il n'avait entièrement jugé suivant sa cruauté. Et il dit, « Mon esprit n'habitera pas toujours en l'homme, car ils sont de chair aussi et leurs jours seront de 120 ans. » Et il créa une nature droite et nouvelle en tous ses travaux, afin qu'ils ne pêchent pas hors de leur propre nature, mais qu'ils soient toujours tous droits, chacun selon son espèce. Et le jugement de tous est ordonné et écrit sur les tablettes célestes de justice telle que le jugement de tous ceux qui se détournent et ne marchent pas selon le chemin qui est ordonné pour eux d'y marcher. Le jugement est écrit pour chaque créature et pour chaque espèce. Et il n'y a rien qui n'est pas jugé dans le ciel, ou sur la terre ou dans la lumière ou la noirceur, ou au Sheol ou dans la profondeur, ou dans un endroit obscur, et tous leurs jugements sont ordonnés, écrits et gravés, il jugera vis-à-vis de tous, le grand selon sa grandeur, le petit selon sa petitesse, et chacun selon sa voix. S'il dit qu'il exécutera jugement sur chacun, il n'est pas celui qui favorise aucune personne, ni celui qui reçoit des cadeaux. S'il indonne tout ce qu'il a sur la terre, il ne favorisera pas les cadeaux ou aucune personne, ni n'acceptera quelque chose de ses mains, car il est un juste juge. Et des enfants d'Israël, il est écrit et ordonné que s'ils se tournent vers lui avec rectitude, il pardonnera toutes leurs transgressions et pardonnera tous leurs péchés. Il est écrit et ordonné qu'il fera grâce à tous ceux qui se détourneront de leurs fautes, une fois par année. Et de tous ceux qui corrompirent leur voix et leurs pensées avant le déluge, aucune personne humaine ne fut laissée indemne excepté Noé seul, car sa personne fut acceptée en partie pour ses fils, que Dieu sauva des eaux du déluge pour son compte, parce que son cœur était droit dans toutes ses voies et suivant ce qui avait été ordonné le concernant, qu'il ne s'était pas détourné de tout ce qui lui avait été commandé. Et le Seigneur dit qu'il voulait détruire toute chose qui était sur la terre, hommes et bétail ensemble et bêtes et volatiles de l'air et ce qui bouge sur la terre. Et il commanda à Noé de se faire une arche, pour qu'il se sauve des eaux du déluge. Et à la nouvelle lune du premier mois, dans la cinquième année de la cinquième semaine du 26e jubilé d'année, Noé fit l'arche en tout point comme il lui commanda. Et il entra dans le deuxième mois, de la sixième année, et il entra dans l'arche à la nouvelle lune jusqu'au 16 du deuxième mois, avec tous ceux que nous lui amenions, et le Seigneur la referma de l'extérieur au 17e soir. Et le Seigneur ouvrit sept portes d'eau du ciel et du grand abîme les entrées des fontaines au nombre de sept entrées, et les portes d'eau commencèrent à déverser l'eau du ciel et les fontaines de l'abîme envoyèrent aussi leurs eaux pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce que le monde entier soit immergé d'eau. Et les eaux s'accrurent sur la terre et s'élevèrent de 15 coudées d'eau par-dessus toutes les hautes montagnes, et l'arche fut élevée au-dessus de la terre et se mouvait à la surface des eaux. Et l'eau prévalut sur la face de la terre 5 mois, 150 jours, et l'arche alla s'arrêter au sommet de Lubar, une des montagnes d'Arara. Et à la nouvelle lune du 4e mois, les portes d'eau du ciel furent contenues et les fontaines du grand abîme furent fermées. Et à la nouvelle lune du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et l'eau commença à descendre dans l'abîme en dessous. Et à la nouvelle lune du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient. Et à la nouvelle lune du 1er mois, la terre fut visible. Et dans la 7e année de la 5e semaine, les eaux disparurent dessus la terre. Et au 17e jour du 2e mois, la terre était sèche et au 27e jour il ouvrit l'arche et renvoya bêtes et bétail et oiseaux et toutes choses mouvantes. Chapitre 6. Et à la nouvelle lune du 3e mois, il sortit de l'arche et construit un autel sur cette montagne et il fit expiation pour la terre. Il prit un petit agneau ou chevreau et fit expiation par son sang pour toute la faute terrestre, car toute chose qui y était fut détruite sauf ceux qui étaient dans l'arche avec Noé. Et il déposa la graisse sur l'autel et il prit un bœuf et une chèvre et un mouton et des petits et du sel et une tourterelle et une jeune colombe et déposa sur l'autel un sacrifice au feu et versa dessus une offrande mélangée d'huile et l'aspergea de vin et couvrit le tout d'encens, ce qui fit monter une bonne odeur acceptable devant le Seigneur. Et le Seigneur sentit la bonne odeur et il fit une alliance avec lui qu'il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre, que durant tous les jours de la terre, semailles et récoltes ne cesseront jamais, froid et chaud, été et hiver et jour et nuit ne changeront pas leur ordre et ne cesseront jamais. Et il dit, et toi, augmente-toi et multiplie sur la terre, et tu deviendras beaucoup sur elle et tu seras une bénédiction sur elle. J'inspirerai la crainte de toi et la terreur de toi à toute chose qui est sur terre et dans l'eau. Et voici, je t'ai donné toute bête et toute chose ailée et tout ce qui bouge sur la terre et le poisson dans les eaux et toute chose en nourriture comme les herbes vertes. Je t'ai donné toute chose en nourriture, mais la chair avec la vie, avec le sang, tu n'en mangeras pas, car la vie de toute chair est dans le sang, sinon les vies te seront réclamées de ton sang. De la main de tout homme, de la main de toute bête, je réclamerai le sang de l'homme. Qui répandra le sang humain, par l'homme son sang sera épandu, car à l'image de Dieu il fit l'homme. Et toi, augmente-toi et multiplie sur la terre. Et dans ce mois, Noé et ses fils jurèrent qu'ils ne mangeraient aucun sang qui soit de toute chair et il fit une alliance devant le Seigneur Dieu à jamais pour toutes les générations de la terre. Il vous parla qu'à ce sujet tu fasses une alliance avec les enfants d'Israël par un serment dans ce mois, sur la montagne et que vous deviez asperger du sang sur eux à cause de toutes les paroles de l'alliance que le Seigneur fit avec eux pour toujours. Et ce témoignage est écrit te concernant, que tu dois observer cela en permanence, qu'en aucun jour tu ne manges aucun sang de bête ou d'oiseau ou bétail durant tous tes jours sur la terre. Et l'homme qui mange du sang de bête ou de bétail ou d'oiseau durant tous les jours de la terre, lui et sa semence seront déracinés du pays. Et ordonne aux enfants d'Israël de ne pas manger de sang afin que leur nom et leur semence puisse être devant le Seigneur notre Dieu en permanence. Et il n'y a pas de limite de jour pour cette loi, car elle est à toujours. Ils observeront cela pour leur descendance, afin qu'ils puissent continuer d'implorer de ta part avec du sang sur l'autel chaque jour. Et au moment du matin et du soir ils chercheront l'absolution devant le Seigneur de ta part en perpétuité afin qu'il la conserve et ne soit pas déracinée. Et il donna un signe à Noé et ses fils qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Il plaça son arc dans la nuée comme signe de l'alliance éternelle qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre pour la détruire tous les jours de la terre. Pour cette raison il fut ordonné et écrit sur les tablettes célestes, qu'ils doivent célébrer dans ce mois, la fête des semaines une fois par année, explication, la nouvelle lune du troisième mois, correspondant à la Pentecôte ou Shavuot, pour renouveler l'alliance chaque année. Et cette fête était entièrement célébrée au ciel du jour de la création au jour de Noé, 26 jubilés et 5 semaines d'année. Et Noé et ses fils l'observèrent 7 jubilés et une semaine d'année jusqu'à la mort de Noé. Et du jour de la mort de Noé ses fils l'aboliront et mangèrent du sang jusqu'au jour d'Abraham. Mais Abraham l'observa et Isaac et Jacob et ses enfants l'observèrent dans leur jour. Et les enfants d'Israël l'oublieront dans leur jour jusqu'à ce que tu le célèbres de nouveau sur cette montagne. Et commande aux enfants d'Israël d'observer cette fête dans toutes leurs générations, comme un commandement pour eux. Une fois par année dans ce mois, ils célébreront la fête, car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits. Cette fête est double et d'une double nature, comme il est écrit et gravé à ce sujet. Célèbre-la, car j'ai écrit dans le livre de la première loi ce que j'ai écrit pour toi, que vous devez la célébrer en sa saison une fois par année et je t'ai expliqué ces sacrifices que les enfants d'Israël doivent se rappeler et qu'ils doivent la célébrer à travers leur génération un jour par année dans ce mois. Et la nouvelle lune du premier mois, et la nouvelle lune du quatrième mois, et la nouvelle lune du septième mois, et la nouvelle lune du dixième mois, sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les quatre partitions de l'année. Ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et Noé les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes pour les générations à jamais pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. À la nouvelle lune du premier mois, il lui fut permis de faire une arche, et en ce jour la terre devint sèche, et il ouvrit l'arche et vit la terre. À la nouvelle lune du quatrième mois, les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. À la nouvelle lune du septième mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la nouvelle lune du dixième mois, les sommets des montagnes se voyaient, et Noé fut heureux. et à ce sujet il leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial à tout jour et elles furent ainsi ordonnées et ils les mirent sur les tablettes célestes. Chacune avait 13 semaines de l'une à l'autre et passait leur mémorial de la première à la deuxième et de la deuxième à la troisième et de la troisième à la quatrième et tous les jours de l'ordonnance sont de 52 semaines de jours et cela constitue l'année au complet. Ceci est gravé et ordonné sur les tablettes célestes et il n'y a pas de négligence à ce commandement pour une seule année ou d'année en année. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours et cela constituera une année complète et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance alors ils dérangeront leur saison en entier et les années seront décalées de leur ordre, et ils négligeront leurs ordres. Et tous les enfants d'Israël oublieront et ne trouveront plus le chemin des années et oublieront les nouvelles lunes et saisons et repos et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. Je sais compter de maintenant et si je te le déclare ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé et écrit dans le livre devant moi et sur les tablettes célestes comment la partition des dates est ordonnée. Malgré cela ils oublieront les fêtes de l'Alliance et marcheront suivant les fêtes des païens, selon leur erreur et selon leur ignorance. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre, et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur, et ils confondront les jours au complet, le sacré avec l'impur et le jour impur avec le sacré, car ils iront faussement pour les mois, et les repos et les fêtes et les jubilés aussi. Pour cette raison je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement et pour cette raison ils iront faussement ainsi que pour les nouvelles lunes et saisons et repos et fêtes, et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de viande. Chapitre 7. Et alors dans la première année de la septième semaine de ce jubilé Noah planta des vignes sur la montagne appelée Lubar, une des montagnes d'Arara, sur laquelle l'arche s'était arrêtée, et dans la quatrième année elles portèrent des fruits et il en surveilla les fruits et les ramassa le septième mois de cette année. Il en fit ensuite du vin et le mit dans un pot et le conserva jusqu'à la cinquième année, jusqu'au premier jour de la nouvelle lune du premier mois. Et il célébra avec joie le jour de cette fête, explication, un des 4 jours en mémoire du déluge. Le premier jour en mémoire de la construction de l'arche, et fit un sacrifice au feu au Seigneur d'un jeune bœuf et un bouc, et 7 moutons d'un an chacun et un petit des chèvres pour faire expiation, pour lui et ses enfants. Et il prépara le petit en premier et plaça une quantité du sang de sa chair sur l'autel qu'il avait fait et déposa toute la graisse sur l'autel où il faisait le sacrifice au feu, ainsi que pour le bœuf et le bouc et le mouton, et il déposa toute leur chair sur l'autel. Et il ajouta et déposa sur le dessus toutes leurs offrandes d'huile, et il aspergea ensuite de vin le feu qu'il avait allumé sur l'autel, et il plaça l'encens sur l'autel, qui produit une odeur douce, qui monta favorablement devant le Seigneur son Dieu. Et il se réjouit et but de ce vin, lui et ses enfants avec joie. Et il faisait nuit quand il alla dans sa tente, et étant saoul il s'allongea et s'endormit et s'était découvert dans sa tente lorsqu'il dormait. Et Ham vit Noah son père nu et sortit le dire à ses 2 frères dehors. Et Shem prit son habit et se leva, lui et Japhet, et ils placèrent l'habit sur leurs épaules et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, leur visage étant détourné. Et Noé se réveilla de son sommeil et apprit tout ce que son plus jeune fils lui avait fait et il maudit son fils et dit « Maudit soit Canaan, il sera un serviteur, esclave de ses frères. » Et il bénit Shem et dit « Béni soit le Seigneur, Dieu de Shem, et Canaan sera son serviteur. Dieu élargira Japhet et Dieu habitera dans l'habitation de Shem et Canaan sera son serviteur. » Et Ham apprit que son père avait maudit son plus jeune fils et fut mécontent qu'il avait maudit son fils et il quitta son père, lui et ses fils avec lui, Cush et Mizraim et Pu et Canaan. Et il construit pour lui une ville et appela son nom d'après celui de sa femme Nilatamouk. Et Japhet vit cela et devint envieux de son frère. Et lui aussi se construit une ville et il appela son nom d'après celui de sa femme Adatanus. Et Shem habita avec son père Noah et il construit une ville près de son père sur la montagne et lui aussi appela son nom d'après celui de sa femme Sidkutlebab. Et voici ces trois villes sont près du mont Lubar, Sidkutlebab devant la montagne à l'est, et Naltamok au sud, et Adatanus vers l'ouest. Et ce sont les fils de Shem, Elam et Assur et Arpacha, ce fils était né 2 ans après le déluge, Elu et Aram. Les fils de Japhet, Gomé et Magog et Madé et Javan, Tubal et Mézoch et Tira. Ce sont les fils de Noah. Et dans le 28e jubilé Noah commença d'enjoindre les fils de ses fils aux ordonnances et commandements et à tous les jugements qu'il connaissait et il recommanda à ses fils d'observer la justice et de couvrir la honte de leur chair et de bénir leur créateur et d'honorer père et mère et d'aimer leur prochain et garder leurs âmes contre la fornication et l'impureté et toute iniquité. Car à cause de ces trois choses le déluge survint sur la terre, nommément dû à la fornication par laquelle les vigiles allèrent à l'encontre de la loi de leurs ordonnances avec les filles des hommes et se prirent d'eux-mêmes des femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent causèrent le commencement de l'impureté, et ils portèrent des fils, les Naphidim, et ils étaient tous haineux et ils dévoraient l'un après l'autre. Et les géants frappaient le Naphil et le Naphil frappait le Eljo et le Eljo humain, et un humain un autre. Et chacun se livrait soi-même à faire l'iniquité et à verser beaucoup de sang jusqu'à ce que la terre fût remplie d'iniquité. Et après cela ils péchèrent contre les bêtes et les oiseaux et contre tout ce qui bouge et marche sur terre. Et beaucoup de sang fut versé sur terre suivant tout fantasme et arrogant désir de malveillance imaginé par les hommes, sans interruption. Et le Seigneur détruit toutes choses de la surface de la terre à cause de la cruauté de leurs actions et à cause du sang qu'ils avaient versé au sein de la terre. Il détruit tout. Et je fus sauf, moi et vous mes fils, et toute chose qui entra avec nous dans l'arche. Mais voici, je vois vos œuvres devant moi que vous ne marchez pas dans la justice, mais que vous avez commencé à marcher dans la voie de la destruction et que vous êtes séparés l'un de l'autre et envieux l'un envers l'autre et ainsi il se passe mes fils, que vous n'êtes pas en harmonie chacun avec son frère. Car je vois et voici, les démons ont commencé leur déraison contre vous et contre vos enfants, et maintenant je crains pour vous. Car après ma mort vous verserez le sang des hommes sur la terre et vous serez détruits de la surface de la terre aussi. Car quiconque verse le sang humain et quiconque mange du sang de n'importe quelle chair sera entièrement détruit de la terre et il ne restera aucun homme qui mange du sang ou qui verse le sang humain sur la terre. Il ne restera rien non plus de sa semence, ni de descendants vivants sous les cieux, car ils iront dans le chôle, Ils descendront dans une place de condamnation et ils seront tous soustraits par une mort violente dans la ténèbre de l'abîme. Il ne se verra pas de sang sur vous de tout le sang déversé au jour où vous aurez tué des bêtes ou bétail ou n'importe quel ailé sur la terre. Et faites une bonne action pour vos âmes en recouvrant ce qui a été déversé à la surface du sol. Et vous ne serez pas comme celui qui mange avec le sang, et gardez-vous de quiconque mange du sang devant vous, couvrez le sang, car ainsi ai-je été commandé de vous témoigner, à vous et vos enfants, conjointement avec toute personne. Ne tolérez pas que l'âme soit mangée avec la chair. Que votre sang qui est votre vie ne soit pas réclamé de la main de toute personne qui le verse sur la terre, car la terre sera nettoyée du sang qui a été versé en elle que par le sang de celui qui l'a versé seulement, ainsi la terre en sera purifiée durant toutes ses générations. Et maintenant mes enfants, écoutez, rendez jugement et justice, pour que vous soyez plantés en justice à la surface de la terre entière et votre gloire s'élèvera devant mon Dieu, qui me sauva des eaux du déluge. Et voici, vous irez et construirez pour vous des villes et planterez en elles toutes les plantes qui sont sur la terre en plus de tous les arbres portant fruit. Pendant 3 ans le fruit de toute chose qui se mange ne sera pas ramassé, et dans la 4e année son fruit sera considéré comme sacré et ils offriront les premiers fruits acceptables devant le plus haut Dieu qui créa le ciel et la terre et toutes choses. Offrez en abondance les prémices du vin et d'huile comme premier fruit sur l'autel du Seigneur qui reçoit cela, et que ce qui reste soit mangé des serviteurs de la maison du Seigneur devant son autel qui reçoit cela. Et dans la 5e année, faites relâche. Vous relâcherez cela pour la justice et la droiture, et vous serez juste et tout ce que vous planterez prospérera. Car ainsi fit le père de ton père, et ne commanda à Méthuséla son fils et Méthuséla à son fils Lamech, et Lamech me commanda toutes ces choses que ses pères lui commandèrent. Et moi aussi je vous donne commandement mes fils, comme Hénoc le 7e de sa génération commanda à son fils dans les premiers jubilés, quand il vivait encore, il commanda et témoigna à son fils et aux fils de ses fils jusqu'au jour de leur mort. Chapitre 8. Au commencement de la première semaine du 29e jubilé, Arpacha prit pour lui une femme et son nom était Razuja, fille de Suzanne la fille d'Élam, et dans la 3e année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Kénam. Et le fils grandit et son père lui apprit à écrire et il alla se chercher un endroit pour se mesurer une ville et il trouva un écrit que les générations précédentes avaient gravé sur le roc et il lut ce qu'il y avait dessus et le retranscrit et pécha à cause de cela, car il contenait l'enseignement des vigiles suivant ce qu'il faisait pour observer les signes du soleil, de la lune et des étoiles dans tous les signes du ciel. Et il écrit cela et ne dit rien à ce sujet, car il avait peur d'en parler à Noah et qu'il devienne en colère contre lui à cause de ça. Et dans la 1re année de la 2e semaine du 30e jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Melka, fille de Madel le fils de Japhet, et dans la 4e année il eut un fils et appela son nom Shéla, car dans la 4e année qu'il fut né, il dit: vraiment j'ai été envoyé. Et Shéla grandit et dans la 1re année de la 5e semaine du 31e jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Muac, fille de Kezid le frère de son père, et dans la 5e année elle lui porta un fils et il appela son nom Héber. Et dans la 3e année de la 7e semaine du 32e jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Azurad, fille de Nemrod, et dans la 6e année elle lui porta un fils et il appela son nom Pelg. Car dans les jours de sa naissance, Les enfants de Noah commencèrent à diviser la terre entre eux, pour cette raison ils l'appela son nom Pelg. Et ils la divisèrent secrètement entre eux et le dirent à Noah, et cela arriva au commencement de la première année de la première semaine du 33e jubilé, ils divisèrent la terre en trois parts entre Shem et Ham et Japhet selon l'héritage de chacun alors qu'un d'entre nous qui avait été envoyé était avec eux. Et il appela ses fils, et ils s'approchèrent de lui, eux et leurs enfants, et il divisa la terre en lots, pour que ses trois enfants en prennent possession. Et ils tendirent leurs mains et prirent les cris du sein de Noah leur père. Et sur les cris, le lot que Shem pouvait prendre en héritage, pour lui et ses fils dans les générations d'éternité, échut au centre de la terre à partir du centre de la chaîne de montagne de Rapha à l'entrée d'eau de la rivière Tina, et sa part s'étend vers l'ouest et traverse le milieu de cette rivière et s'étend jusqu'à atteindre l'eau des abîmes de laquelle cette rivière sort et verse ses eaux dans la mer Mat, et cette rivière se déverse dans la grande mer. Et tout ce qui était vers le nord est à Japhet, et tout ce qui est vers le sud revient à Shem. Et sa part va jusqu'à Carasso. Ceci est l'embranchement de la langue qui regarde vers le sud, et sa part, Kenan, fils de Ham, saisit cette part pour lui. S'étend le long de la grande mer et s'étend en ligne droite jusqu'à atteindre l'ouest de la péninsule qui regarde le sud. Car cette mer est nommée la péninsule de la mer égyptienne, et de là tourne vers le sud, vers l'entrée de la grande mer au rivage de ses eaux, et s'étend jusqu'à atteindre l'ouest d'Aphra, et s'étend jusqu'à atteindre les eaux de la rivière Gion, et vers le sud des eaux de Gion, jusqu'au réservoir de cette rivière, et s'étend vers l'est jusqu'à atteindre le sud du jardin d'Éden, au sud et à l'est de tout le pays d'Éden, tout l'est, et tourne vers l'est et avance jusqu'à atteindre l'est de la montagne nommée Rapha et descend vers le réservoir d'entrée de la rivière Tina. Cette part échut au lot de Shem et ses fils pour qu'il la posséda toujours pour ses descendants à jamais. Et Noah se réjouit que cette part aille à Shem et à ses fils et il se rappela tout ce qu'il avait prophétisé par sa bouche, car il avait dit. Béni soit le Seigneur Dieu de Shem et que le Seigneur habite dans la maison de Shem. Et il savait que le jardin d'Éden est le Saint des Saints et l'habitation du Seigneur, et le mont Sinaï le centre du désert, et le mont Sion le centre du nombril de la terre. Ces trois ont été créés l'un face à l'autre, comme des endroits sacrés. Et il bénit le Dieu des dieux, qui avait mis la parole du Seigneur dans sa bouche, et le Seigneur pour toujours. Et il sut qu'une part bénie et qu'une bénédiction était venue sur Shem et ses fils pour les générations à jamais, le pays entier d'Éden et tout le pays de la mer Rouge et tout le pays de l'Est et Inde sur la mer Rouge et dans les montagnes, et tout le pays de Bachan, et tout le pays du Liban et les îles de Kaftur, et toutes les montagnes de Sanir et Amana et les montagnes de Assur au nord, et tout le pays de Elam, Assur et Babel et Suzanne, et Meda et toutes les montagnes d'Arara, et toute la région devant la mer, qui est devant les montagnes d'Assur vers le nord, un pays béni et spacieux, et tout ce qui est là est très bon. Et la deuxième part de Ham allait au-delà du Gion vers le sud à droite du jardin et s'étend vers le sud et s'étend en direction de toutes les montagnes de feu et s'étend vers l'ouest jusqu'à la mer d'Atel et s'étend vers l'ouest jusqu'à atteindre la mer de Mok, cette mer dans laquelle toute chose qui n'est pas détruite descend. Et elle va vers le nord aux limites de Gadir et va vers la côte des eaux de la mer, vers les eaux de la grande mer, jusqu'à arriver près de la rivière Gion, et va le long de la rivière Gion jusqu'à atteindre la droite du jardin d'Éden. Et ceci est le pays qui revint à Ham comme la portion qu'il allait occuper à toujours pour lui et ses fils, pour leurs descendants à jamais. et la troisième part de Japhet allait devant la rivière Tina vers le nord du déversement de ses eaux et s'étend au nord-est jusqu'à la région entière de Gog et dans le pays entier de l'est, et s'étend du nord vers le nord et s'étend aux montagnes de Kelt vers le nord et vers la mer de Mok, et elle va à l'est de Gadir aussi loin que la région des eaux de la mer. Et elle s'étend jusqu'à approcher l'ouest de Phara et retourne vers Aphrag et s'étend à l'est vers les eaux de la mer de Mat. Et elle s'étend vers la région de la rivière Tina en direction nord-est jusqu'à approcher la frontière de ses eaux vers la montagne Rapha et tourne autour vers le nord. Ceci est la terre qui allait pour Japhet et ses fils comme la part de son héritage, qu'il devra posséder pour lui et ses fils, pour leurs descendants à jamais, cinq grandes îles et un grand pays au nord. Mais c'est froid et le pays de Ham est chaud, et le pays de Shem n'est ni chaud, ni froid, mais il est mélangé froid et chaud. Chapitre 9. Et Ham divisa entre ses fils, et la première portion vint pour Cush vers l'est, et à l'ouest de lui pour Mizrem, et à l'ouest de lui pour Pu, et à l'ouest de lui et dans l'ouest sur la mer pour Canaan. Et Shem aussi divisa entre ses fils, et la première portion vint pour Elam et ses fils à l'est de la rivière Tigri jusqu'à approcher l'est, tout le pays d'Inde est sur la mer rouge à ses côtes, et les eaux de dedans, et toutes les montagnes de Mébri, et là est tout le pays de Suzanne, et tout ce qui est sur le côté de Pharnac, vers la mer rouge et la rivière Tina. Et pour Assur vint la deuxième portion, tout le pays de Assur, et Ninve et Shinar, et jusqu'à la bordure de Inde, et monte et contourne la rivière. Et pour Arpacha vint la troisième portion, tout le pays de la région de Chaldée, vers l'est de l'Euphrate bordant la mer rouge, et toutes les eaux du désert près de la péninsule de la mer, qui regarde vers l'Égypte, tout le pays du Liban, et Sanir et Amana jusqu'au bord de l'Euphrate. Et pour Aram revint la quatrième portion, tout le pays de Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate vers le nord de Chaldée jusqu'au bord des montagnes d'Assur et le pays de Harara. Et voici ce qui alla à lui en cinquième portion, les montagnes de Assur et tout ce qui leur appartenait jusqu'à arriver à la grande mer et jusqu'à atteindre l'est de Assur de son frère. Et Japhet divisa aussi le pays de son héritage entre ses fils. Et la première portion alla à Gomer du côté nord, à l'est vers la rivière Tina, et au nord il fut échu à Magog toutes les portions intérieures du nord, jusqu'à arriver à la mer de Mat. Et pour Madé allait la portion qu'il devait posséder à l'ouest de ses deux frères, jusqu'aux îles et jusqu'aux côtes des îles. Et pour Javan allait comme quatrième portion chaque île et les îles, qui sont vers le bord de Lu. Et à Tubal fut échu la cinquième portion au milieu de la péninsule, qui s'approche vers le bord de la portion de Lu à la deuxième péninsule, vers la région devant la deuxième péninsule, jusqu'à la troisième péninsule. Et pour Mezechala en sixième portion toute la région devant la troisième péninsule, jusqu'à approcher l'est de Gadir. Et à Tira fut échu la septième portion, quatre grandes îles au milieu de la mer, qui atteignent la portion de Ham, et les îles de Kamaturi sortiront l'eau pour les fils de Arpacha pour son héritage. Et voici, les fils de Noah séparèrent entre leurs fils, en présence de leur père Noah, et il les lia par un serment engageant une malédiction sur chacun qui chercherait à saisir la part qui ne lui a pas été échue dans son lot. Et ils dirent tous, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Pour eux-mêmes et leurs fils à toujours, à travers leurs descendants jusqu'au jour du jugement par lequel le Seigneur Dieu les jugera avec une épée et avec le feu pour toutes les cruautés impures de leurs erreurs avec lesquelles ils auront rempli la terre de transgression et d'impureté, de fornication et de péché. Chapitre 10. Et dans la troisième semaine de ce jubilé, les démons impurs commencèrent à faire diverger les enfants des fils de Noah et les égarer et les détruire. Et les fils de Noah vinrent vers Noah leur père et ils lui parlèrent au sujet des démons qui les faisaient diverger, aveuglant et tuant les fils de ses fils. Et il pria devant le Seigneur son Dieu et dit : « Dieu des esprits de toute chair, qui me montra miséricorde et sauva, moi et mes fils, des eaux du déluge et qui n'a pas permis que je périsse comme tu fis avec les fils de perdition, car ta grâce a été grande envers moi et grande a été ta miséricorde pour mon âme. Que ta grâce soit au-dessus de mes fils, et ne laisse pas de mauvais esprits les dominer pour qu'ils les détruisent de la terre. Mais bénis-moi avec mes fils, que nous puissions grandir et multiplier et remplir la terre. Et tu sais comment les vigiles, les pères de ces esprits agissaient dans mon temps et ainsi que pour ces esprits qui existent. Emprisonne-les et retiens-les dans la place de condamnation et ne les laisse pas apporter la destruction sur les fils de ton serviteur, mon Dieu, car ils sont malins et créés pour détruire. Et ne les laisse pas dominer sur les esprits des vivants, car toi seul peux exercer domination sur eux. Ne les laisse pas avoir pouvoir sur les fils des justes à compter de ce jour et à toujours. » Et le Seigneur notre Dieu ordonna de les attacher tous. Et Mastema le chef des esprits vint et dit : « Seigneur, Créateur, laisse certains d'entre eux demeurer devant moi et qu'ils écoutent ma voix et fassent tout ce que je leur dirai. Car si certains d'entre eux ne restent pas avec moi, je serai incapable d'exécuter le pouvoir de ma volonté sur les fils des hommes, car ceux-là sont pour la corruption et l'égarement devant mon jugement, car grande est la cruauté des fils des hommes. » Et il dit : « Que la dixième part d'entre eux demeure devant lui et que les neuf parts descendent dans la place de condamnation. » Et il commanda à l'un de nous que nous devions apprendre à Noah toute leur médecine, car il savait qu'il ne marcherait pas dans la droiture, ni endurer la justice. Et nous firent selon toutes ces paroles. Nous attachâmes tous ceux à l'esprit malin dans la place de condamnation et nous laissâmes une dixième partie d'entre eux pour qu'ils soient soumis devant Satan sur la terre. Et nous expliquâmes à Noah toutes les médecines de leur maladie, ensemble avec leurs maléfices, comment ils pouvaient les guérir avec des herbes de la terre. Et Noah écrivit toutes choses dans un livre ainsi que nous l'instruisîmes au sujet de chaque type de médecine, et alors les esprits mauvais furent empêchés de blesser les fils de Noah. Et il donna tout ce qu'il avait écrit à Shem son fils aîné, car il l'aimait extrêmement par-dessus tous ses fils. Et Noah dormit avec ses pères et fut enterré au mont Ubar dans la terre d'Arara. Il compléta sa vie à 950 ans, 19 jubilés et 2 semaines et 5 ans. Et durant sa vie il excellait les enfants des hommes, excepté Enoch à cause de la justice, avec laquelle il était parfait. La fonction d'Enoch était ordonnée pour témoigner aux générations du monde, pour qu'ils puissent rapporter toutes leurs actions de génération en génération jusqu'au jour du jugement. Et dans la première année de la deuxième semaine du 34e jubilé, Peleg, fils d'Arpacha, prit pour lui une femme dont le nom était Lona, fille de Sinar, et dans la quatrième année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Reu, car il dit : « Voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein de se construire pour eux une ville et une tour dans le pays de Shinar. Car ils sont partis vers l'est du pays d'Arara à Shinar, et dans ces jours ils ont construit la ville et la tour en se disant : « Allez, qu'ainsi nous montions au ciel. » Et dans la quatrième semaine ils commencèrent à construire et ils firent des briques au feu et les briques leur servaient de pierre et ils les cimentaient ensemble avec l'argile, qui est l'asphalte qui vient de la mer et des fontaines d'eau du pays de Shinar. Et ils construisirent ça. 43 ans pour construire ça. La largeur d'une brique était de 2 briques et la hauteur était le tiers d'une. Sa hauteur comptait 5433 coudées et 2 paumes, environ 2716 mètres, et la superficie d'un mur était 13 stades et 30 stades de l'autre. Et le Seigneur notre Dieu nous dit, « Voici ils sont un peuple, et cela ont-ils commencé à faire et maintenant rien ne les retiendra. Allons, descendons et confondons leur langage, pour qu'ils ne puissent comprendre la langue de l'autre, et qu'ils se dispersent dans les villes et les nations, et qu'un même objectif ne les lie plus jusqu'au jour du jugement. » Et le Seigneur descendit et nous descendîmes avec lui pour voir la ville et la tour, que les enfants des hommes avaient construit. Et il confondit leur langage, et ils ne pouvaient plus comprendre la langue de l'autre, et ils cessèrent alors de construire la ville et la tour. Pour cette raison tout le pays de Shinar est appelé Babel parce que le Seigneur confondit là tout le langage des enfants des hommes, et ils se dispersèrent alors dans leur ville, chacun selon sa langue et sa nation. Et le Seigneur envoya un puissant vent contre la tour entre Assur et Babylone dans le pays de Shinar et la renversa par terre, et ils appelèrent son nom renversé. Au début de la première année de la 4e semaine du 34e jubilé, ils furent dispersés du pays de Shinar, et Ham et ses fils allèrent dans la terre qu'ils devaient occuper, qu'il acquit comme sa portion dans le pays du sud. Et Canaan vit que le pays du Liban jusqu'à la rivière d'Égypte était très bon et il n'alla pas dans le pays de son héritage vers l'ouest, qui est vers la mer et il habita dans le pays du Liban, à l'est et l'ouest de la frontière du Jourdain et à la frontière de la mer. Et Ham son père et Cush et Mizraim ses frères lui dirent, « Tu accapares un pays qui n'est pas le tien et qui ne t'est pas échu dans ton lot. Ne fais pas ça, car si tu fais ça, toi et tes fils tomberont dans le pays et seraient maudits de révolte, car tu accapares par révolte tes enfants tomberont et tu seras toujours déraciné à jamais. N'habite pas dans l'habitation de Shem, car cela revient à Shem et à ses fils dans leur lot. Maudit sois-tu et maudit seras-tu devant tous les fils de Noah, selon la malédiction par laquelle nous nous sommes engagés par un serment, en présence du juge sacré et en présence de Noah notre père. » Mais il ne les écouta pas et habita lui et ses fils dans la terre du Liban, de Hamat jusqu'à l'entrée de l'Égypte, jusqu'à ce jour. Et pour cette raison, ce pays est appelé Canaan. Et Japhet et ses fils allèrent vers la mer, et habitèrent dans le pays de leur portion, et Madai vit le pays de la mer, et cela ne lui plaisait pas et il demanda une portion à Ham, et à Assur et Arpacha, le frère de sa femme, et il habita dans le pays de Média, près du frère de sa femme, jusqu'à ce jour. Et il appela son habitation et l'habitation de ses fils Média d'après le nom de leur père Madai. Chapitre 11. Et dans la première année de la 3e semaine du 35e jubilé, reprit pour lui une femme et son nom était Tora, fille d'Ur le fils de Kezid, et dans la 7e année de cette semaine de ce jubilé, elle lui porta un fils, et il appela son nom Sero. Et les fils de Noah commencèrent à se faire la guerre l'un contre l'autre, à prendre en captivité et se massacrer l'un l'autre et à verser le sang des hommes sur la terre et à manger du sang et à se construire des villes fortes, des murs et des tours, et des personnalités commencèrent à s'exalter au-dessus de la nation et fonder les déclenchements des royaumes et faire la guerre, peuple contre peuple et nation contre nation et ville contre ville. Et tous commencèrent à faire le mal et d'acquérir des armes et à prendre à leurs fils à faire la guerre, et ils commencèrent à capturer des villes et vendre des esclaves mâles et femelles. Et Ur le fils de Kezid construit la ville de Hara de Chaldée et appela son nom d'après son propre nom et du nom de son père. Et ils firent pour eux des images moulues, et ils vénérèrent chaque idole d'image moulue qu'ils s'étaient faite, et ils commencèrent à faire des images gravées et simulacres impurs, et les esprits malins les assistaient et les égaraient à commettre la transgression et l'impureté. Et le prince Mastema s'appliquait à faire tout cela, et il envoyait d'autres esprits, ceux qui avaient été mis sous sa main, pour faire toute action d'erreur et de péché, et tout acte de transgression, pour corrompre et détruire et verser le sang sur la terre. Pour cette raison il appela le nom de Sero, Serug, parce que chacun déviait pour faire tout acte de péché et de transgression. Et il grandit et habitait à Ur de Chaldée près du père de la mère de sa femme, et il adorait des idoles. Et dans la première année de la cinquième semaine du 36e jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Melka, fille de Kéber, la fille du frère de son père, et dans la première année de cette semaine elle lui porta Nahor et il grandit et habitait à Ur de Chaldée. Et son père lui apprit les inquisitions de devin et d'augure de la Chaldée, selon les signes du ciel. Et dans la première année de la sixième semaine du 37e jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Jaska, fille de Nestag de Chaldée. Et dans la septième année de cette semaine elle lui porta Tra. Et le prince Mastema envoya des corbeaux et des oiseaux dévorer la semence qui était semée dans le pays pour détruire la terre et destituer aux enfants des hommes leurs travaux. Avant qu'ils puissent jeter la semence, les corbeaux la saisissaient à la surface du sol. Et pour cette raison qu'il appela son nom Tra, parce que les corbeaux et les oiseaux les nuisaient par destitution et dévoraient leurs semences. Et les années devinrent improductives à cause des oiseaux et ils dévoraient tout fruit d'arbre sur les arbres, et c'est seulement d'un effort grandiose qu'ils pouvaient sauver le peu de tout fruit de la terre en leur jour. Et dans la première année de la deuxième semaine de ce 39e jubilé, Tra prit pour lui une femme et son nom était Edna, fille d'Abraham, la fille de la sœur de son père. Et dans la septième année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Abraham d'après le nom du père de sa mère, car il était mort avant que sa fille eût conçu un fils. Et l'enfant commença à comprendre les égarements de la terre, que tous s'étaient égarés après les images gravées et après l'impureté. Et son père lui apprit l'écriture, quand il avait deux semaines d'année, et il se sépara de son père, pour ne pas adorer les idoles avec lui. Et il commença à prier le Créateur de toutes choses, pour qu'il l'épargne des égarements des enfants des hommes, et que sa portion ne tombe pas dans l'erreur par l'impureté et la vilenie. Et le temps des semailles arriva pour ensemencer le sol de semences, et tous sortirent ensemble protéger leurs semences contre les corbeaux, et Abraham alla avec ceux qui allaient et l'enfant était un garçon de 14 ans. Et lorsqu'un nuage de corbeaux vint pour dévorer la semence, Abraham coura à leur rencontre avant qu'ils atteignent le sol et cria après eux et dit « Ne descendez pas. Retournez à l'endroit d'où vous venez. » Et ils se détournaient. Et sur la terre entière où Abraham était ce jour-là, il repoussa 70 fois les nuées de corbeaux à partir et tous les corbeaux se dissipèrent jusqu'au dernier. Et tous ceux de la terre qui étaient avec lui le virent crier et repousser tous les corbeaux, et son nom devint grand dans le pays de Chaldée. Et cette année-là tous ceux qui désiraient semer vinrent à lui et il alla avec eux jusqu'à ce que le temps des semailles se termine et ils semèrent leur terre et rapportèrent assez de grains cette année et ils mangèrent et furent rassasiés. Et dans la première année de la cinquième semaine, Abraham donna instruction à ceux qui font des instruments pour les bœufs, les artisans du bois, et ils fabriquèrent un bassin au-dessus du sol, face à l'armature de la charrue, pour y mettre le grain afin que le grain retombe sur la pointe de la charrue, caché dans la terre, et ils ne craignirent plus les corbeaux. Et suivant cette méthode, ils mirent des bassins au-dessus du sol, sur toutes les armatures des charrues, et ils semèrent et labourèrent toute la terre suivant ce que Abraham leur recommanda, et ils ne craignirent plus les oiseaux. Chapitre 12. Et cela arriva dans la septième année de la sixième semaine, Abraham s'adressa à son père s'écriant « Père !» qui lui répondit « Voici, je suis ici mon fils. » Et il dit « Quels aides et avantages avons-nous de ces idoles que tu vénères, et devant quoi t'agenouilles-tu? Il n'y a pas d'esprit en eux, car ce sont des formes sourdes muettes et une méprise pour le cœur. Ne les vénère pas. Vénère le Dieu du ciel, qui fait que la pluie et la rosée descendent sur la terre, et qui fait toutes choses sur la terre, et qui a créé toutes choses par sa parole, et toute vie est devant sa face. Pourquoi vénérer des choses qui n'ont pas d'esprit en eux? Car ils sont le travail de main d'homme, et tu les portes sur tes épaules, et tu n'as pas d'aide d'eux, mais ils sont une grande cause de honte pour ceux qui les ont faites et une méprise pour le cœur de ceux qui les vénèrent. Ne les vénère pas. » Et son père lui répondit : « Je sais cela aussi mon fils, mais que ferais-je avec un peuple qui m'oblige de servir devant eux? Et si je leur dis la vérité, ils me tueront, car leur esprit tend vers eux pour les vénérer et les honorer. Garde le silence mon fils, sinon ils te tueront. » Et il dit ces paroles à ses deux frères, et ils furent en colère contre lui et il garda silence. Et dans la septième année de la deuxième semaine du quarantième jubilé, Abraham prit pour lui une femme et son nom était Sarah, fille de son père, et elle devint sa femme. Et dans la troisième année de la troisième semaine, Haran son frère prit pour lui une femme, et dans la septième année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Lot. Et Nahor son frère prit pour lui une femme. Et dans la soixantième année de la vie d'Abraham, qui est dans la quatrième année de la quatrième semaine, Abraham se leva par nuit et brûla la maison des idoles. Et il brûla tout ce qui était dans la maison, et aucun homme ne le savait. Et ils se levèrent dans la nuit, et cherchèrent à sauver leur Dieu du milieu du feu. Et Haran se dépêcha de les sauver, mais le feu s'enflamma sur lui, et il fut brûlé par le feu, et mourut devant son père en Ur de Chaldée, et ils l'enterrèrent en Ur de Chaldée. Et Tra quitta Ur de Chaldée, lui et ses fils, pour aller vers la terre du Liban et la terre de Canaan, et il habita sur la terre de Haran, et Abraham habita avec Tra son père à Haran 2 semaines d'années. Et dans la cinquième année de la sixième semaine, la nuit de la nouvelle lune du septième mois, Abraham s'assit pour observer les étoiles du soir au matin, pour voir quel serait le caractère de l'année au sujet des pluies, et il était seul lorsqu'il s'assit et observait. Et une parole vint dans son cœur et il se dit : « Tous les signes des étoiles et les signes de la lune et du soleil sont dans la main du Seigneur. Pourquoi les rechercher ? S'il le désire, il ferait pleuvoir matin et soir, et s'il le désire, il le retiendrait, car toutes choses sont dans sa main. » Et il pria cette nuit et dit : « Mon Dieu, Dieu plus haut, toi seul es mon Dieu, et toi et ton autorité est choisie, car tu as créé toutes choses, et toutes choses sont le travail de tes mains. Délivre-moi de la main des mauvais esprits, qui ont autorité sur les pensées des cœurs humains, et ne les laisse pas m'éloigner de toi mon Dieu. Affermis-moi et ma semence à toujours, pour que nous ne nous éloignions pas de toi à compter de maintenant et à jamais. » Et il dit : « Dois-je retourner en Ur de Chaldée afin que je retourne vers ceux qui cherchent ma face, ou dois-je rester encore ici ? Fais prospérer la voie juste dans les mains de ton serviteur, afin qu'il puisse la réaliser devant toi et que je ne marche pas dans l'égarement de mon cœur, ô mon Dieu. » Et il cessa de parler et de prier, et voici, la parole du Seigneur lui fut envoyée par moi disant : « Pars de ce pays et de ta famille et de la maison de ton père vers un pays que je te montrerai et je ferai de toi une nation grande et nombreuse et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras béni sur la terre et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui te maudissent et je serai un Dieu pour toi et tes fils et aux fils de ton fils et à toute ta semence. Ne crains pas à partir de maintenant et pour toutes les générations de la terre, je suis ton Dieu. Et le Seigneur Dieu dit, ouvre sa bouche et ses oreilles, pour qu'il puisse entendre et parler par sa bouche le langage qui a été révélé et qui avait cessé sur les bouches de tous les enfants des hommes le jour du renversement de Babel. Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles et ses lèvres et commençai à parler avec lui en hébreu, dans la langue de la création. Et il prit les livres de ses pères, qui étaient écrits en hébreu, et il les transcrit et à partir de ce moment-là il commença à les étudier et je lui fis connaître ce qu'il ne pouvait comprendre et il les étudia pendant 6 mois, de pluie. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine, il parla à son père et l'informa qu'il quitterait Haran, pour aller sur la terre de Canaan, pour la voir et lui revenir. Et Thras son père lui dit, « Va en paix. Que le Dieu éternel fasse ta voie droite, et que le Seigneur soit avec toi et te protège de toute cruauté et te donne sa grâce, miséricorde et faveur devant ceux qui te voient, et qu'aucun des enfants des hommes ait pouvoir sur toi pour te blesser, va en paix. Et si tu vois une terre plaisante à tes yeux pour y habiter, alors va et amène-moi vers toi. Prends Lot avec toi, le fils de Haran ton frère comme ton propre fils. Le Seigneur soit avec toi. Et Nahor ton frère restera avec moi jusqu'à ce que tu retournes en paix et nous irons avec toi tous ensemble.